Septièmement, comme ils dorment tous deux dans le berceau qui tremble, leur haleine est paisible et leur front calme. Il semble que rien n'éveillerait ces orphelins dormants, pas même le clairon du dernier jugement, car, étant innocents, ils n'ont pas peur du juge. Et la pluie, au dehors, gronde comme un déluge. Du vieux toit crevassé, d'où la rafale sort, une goutte parfois tombe sur ce front mort, glisse sur cette joue et devient une larme. La vague sonne ainsi qu'une cloche d'alarme. La morte écoute l'ombre avec stupidité. Car le corps, quand l'esprit radieux l'a quitté, a l'air de chercher l'âme et de rappeler l'ange. Il semble qu'on entend ce dialogue étrange entre la bouche pâle et l'œil triste et hagard. Qu'as-tu fait de ton souffle? Et toi, de ton regard?